qu'elle fait 3 heures, ah, je déserre. Ok, quand je prends le match, je me déclare. Ok, CP3 dire, j'ai besoin de PP Trendek, à ceux qui raquettent les schmitts en porte j'attelle. J'artèle bordel dans mon putain de cartel, c'est Delboire, alors viens dans ma putain de cheval. Écoute, c'est mes 3 heures, je desserre. Vas-y que je me déterre quand je prends le mic, c'est parce que je suis un putain de terroriste au mic. Je fais peur, je fais le beurre dans le Red Black Bomber. On encule les 40 meufs à couteau du dos but. Vas-y qu'on jambe, c'est puis ça se pisse ta police dessus. J'ai pas besoin de niquer Ayam, car sur mon territoire je fous le bordel comme avant auparavant. Tellement je t'aime que je t'emmerde à coups de pompe. Vas-y que je me déterre à la hache, crash. J'ai besoin de cracher ma soupe sur tout le monde, tellement qu'on me provoque provocation à outrance à chaque fois que je balance et que je me fais crever l'abcès. Ton absence me plaît, il faut que j'arrête de cracher dans la soupe, car à ce qu'il paraît c'est trop chelou. On me délaisse à chaque papa, je me déteste. C'est pas je te déteste. Ferme ta gueule, dans, je sais pas tanguer la vie, y'a bien de me crier, il fait, c'est ça que la vie que je mets dans mon putain de carte, c'est le bordel. De 3 heures à je désert, oh my, qu'on me fait peur. Ça tapette, ok, je ferai un film. C'est pas de toi que je parle franchement, mais c'est des autres qui me foutent là. J'ai gerbe, c'est pour qu'il y ait des sites au mic, vas-y.